Tu écoutes le premier épisode d'introduction d'Alune, le podcast de méditation poétique connecté au cycle de la Lune. Salut toi, on ne se connaît pas encore, mais je suis heureuse de te rencontrer pour le premier épisode d'Alune, intitulé « Seule sous la Lune ». Alune est un podcast de méditation et de poésie sonore qui suit les cycles lunaires et paraît tous les jours de pleine lune et de nouvelle lune. Moi, c'est Émaille. Je suis artiste, illustratrice, poétesse et sorcière. Oui, sorcière. Je sais, c'est un terme dont tu entends beaucoup parler ces derniers temps et qui est difficile à saisir tant il est multiple. Je pourrais t'en parler pendant des heures, car l'histoire des sorcières est riche et captivante, mais en voici les grandes lignes. Sache que ce mot, sorcière, est ajor, et qu'il désigne des personnes détentrices de savoirs ésotériques, médicinaux, divinatoires, astrologiques parmi tant d'autres, et qui les mettent en pratique dans son quotidien pour son utilisation personnelle ou pour les autres. C'est ce qu'on appelle communément la sorcellerie. Tu as sûrement déjà entendu des légendes sur les sorcières adoratrices de Satan et dévoreuses de vierges. Elles ont toutes été inventées à l'époque de la chasse aux sorcières, initiée au XVe siècle, pour persécuter et condamner en masse les irréductibles âmes païennes qui réfutaient la religion catholique. Depuis cet épisode destructeur, les sorcières ont continué de pratiquer la sorcellerie dans le plus grand des secrets, dans des cercles très fermés. Il faudra attendre les années 50 et l'écrivain et fondateur du néopaganisme moderne, Gerald Gardner, pour en entendre parler à nouveau. En 1970, en Italie puis dans le monde, des groupes de féministes réhabilitent le terme « sorcière » dans le vocabulaire commun, en hommage aux femmes brûlées durant la chasse aux sorcières. Mais à ce moment-là, le mot prend une terminologie politique et se compose à l'image de femmes rebelles luttant contre les systèmes d'oppression dont leur genre est victime. Aujourd'hui encore, lorsque tu entends le terme « sorcière » dans l'actualité culturelle, celui-ci est en fait l'héritier de la réhabilitation politique des féministes des années 70. Le mot, au fil des âges, a donc été dépouillé de son sens magique et spirituel. Pourtant, être sorcière aujourd'hui, c'est aussi varié que d'être fan d'Harry Potter, sage-femme, lithothérapeute, prophétesse, herboriste, artiste, cuisinière, magicienne, tarologue, astrologue, mais également païenne, wiccan, néo-païenne, athée, taoïste, bouddhiste, et pas seulement féministe. Tu dois te demander pourquoi je te parle de tout ça alors que je t'ai promis un podcast de méditation. Ne t'en fais pas, j'y arrive. Si je n'étais pas sorcière pratiquante, si je n'avais pas eu accès à tous ces savoirs et croyances magiques et spirituelles, moi et mon esprit, autrefois athée et cartésien, n'aurions jamais pu avoir ni l'idée ni l'envie de faire ce premier épisode et tous ceux qui suivront. La méditation est une pratique spirituelle qui privilégie, je dirais, la contemplation de ses sens connectés à la nature et la concentration sur soi. Elle va t'apporter un peu de répit dans ta vie grâce à certaines techniques de concentration et de relaxation. Tu verras, tes pensées vont continuer de circuler dans ton esprit durant les méditations. C'est tout à fait normal. Nous essaierons de travailler ensemble pour que tu réussisses à lâcher prise et que tu ne te laisses plus captiver par elle. Je ne suis moi-même pas une experte, et cela fait plus d'un an que je pratique la méditation. On va dire quotidiennement, mais tu imagines bien que certains jours, comme tout le monde, je ne me suis pas sentie de le faire. Elle a tout de même été d'une grande aide pour moi, et m'a permise de sortir d'une période sombre en me concentrant sur le positif autant que possible. Je suis convaincue que la méditation aide à augmenter l'occurrence de sensations positives, améliorer la capacité de concentration et d'attention, réduire le stress et l'anxiété et tout un tas d'autres choses que je te laisse découvrir au fil des épisodes. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir avec moi ce que cela fait de se connecter au fascinant et mystérieux cycle lunaire, mais aussi de savoir t'écouter et te connaître un peu plus à chaque épisode. Je vais alterner un épisode avec une méditation courte de 5 minutes et un épisode avec une méditation plus longue entre 10 et 15 minutes. Puisque je suis poétesse, tu verras. Ce seront des phrases joliment écrites et doucement lues que tu entendras pour t'aider à t'apaiser et à voyager en toi. Je t'invite à me retrouver le dimanche 13 octobre pour une méditation de 5 minutes pour célébrer la prochaine pleine lune. Si ce premier épisode d'introduction t'a plu, n'hésite pas à le partager à ton entourage, à le noter 5 étoiles sur iTunes Podcast et à commenter sur la plateforme d'écoute ou sous la publication sur mon Instagram TemaiArt. Qui sait, peut-être qu'une autre personne découvrira ce podcast grâce à toi. Merci de ton écoute et à très vite.